sur le chemin qui mène à la terre promise, Josué et les Hébreux soudain s'immobilisent, leur barrant le passage. Voici venir vers eux des tours et des murailles au bout du paysage. Le roi de cette ville exhorte ses soldats, de ce peuple en exil personne ne passera. Alors Josué décide ce qu'il ne souhaite pas, de mener ce qu'il guide à leur premier combat. Jéricho, tu brises nos espoirs. Jéricho, il te faudra savoir. Jéricho, que si tu veux la guerre, Jéricho, nous saurons te la faire. Avec l'aide de Dieu qui toujours les protège, le peuple des Hébreux forma un long cortège, tournant comme des anges face à la citadelle, suivant les ordres étranges qui lui venaient du ciel. De cette procession, des prêtres prirent la tête, suivis de l'arche d'or et 100 joueurs de trompette. On fit cela 7 jours, saisissant de stupeur l'armée des assiégés, bloqués à l'intérieur. Jéricho, tu brises nos espoirs. Jéricho, il te faudra savoir. Jéricho, que si tu veux la guerre, Jéricho, nous saurons te la faire. Cette clameur immense souleva la poussière, et dans un craquement, tous les murs s'écroulèrent, plus fort qu'un ouragan. Dans ce chaos de pierre, de la ville sans défense, les Hébreux s'emparèrent. Jéricho, voici notre victoire. Jéricho, gravé dans ta mémoire. Jéricho, tu as voulu la guerre. Jéricho, grâce à Dieu tu la perds. Jéricho, voici notre victoire. Jéricho, gravé dans ta mémoire. Jéricho, tu as voulu la guerre. Jéricho, grâce à Dieu tu la perds.